Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon après-midi sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Tout le monde est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie ? Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. La participation de l'extrême droite aux leaders autrichiens constitue en effet un grave danger pour les libertés. Nous l'avons vu hier avec l'affaire Kurt Waldheim. On s'est mis soudain à parler de l'Autriche. Ce pays plutôt discret d'ordinaire et qui, semble-t-il, savoure cet effacement, s'est retrouvé du jour au lendemain au carrefour de maintes polémiques, mettant à bas l'idée longtemps entretenue d'une Autriche victime de son imposant voisin germanique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avec cette nouvelle vision d'une Autriche sans doute plus collaboratrice qu'on ne le disait, il s'agissait avant tout de rétablir un équilibre, car la résistance à l'occupation nazie fut importante côté autrichien, et nombreux sont ceux qui paieront cet engagement de leur vie. Mais l'affaire Waldheim n'a de fait été que l'amorce du problème. Cette affaire date des années 86-88. Or, peu après, les premiers signes de perturbation politique vont faire leur apparition. Et on va le voir aujourd'hui dans un décompte chronologique implacable. Y a-t-il un lien entre l'affaire Waldheim et la poussée de l'extrême droite autrichienne ? Il faut sans doute se garder de raccourcis si magnifiquement tricotés, mais ne pas non plus perdre de mémoire l'idée que l'Autriche, dont l'ancien empire a été littéralement rasé, l'Autriche qui a eu faim et froid au lendemain de la guerre, cette Autriche s'est orgueilleusement redressée à la seule force du poignet. Et elle est aujourd'hui fière de son niveau de vie, fière de sa couverture sociale, fière de ses avantages économiques dont elle peut bénéficier. Aussi, la tentation isolationniste est sans doute la plus évidente, la plus à portée de main. Est-ce la bonne ? Est-ce la seule ? Revenons à l'Autriche qui, en ce début de décennie 90, a l'intention de faire encore parler d'elle. Chapitre 1. L'irrésistible ascension. Fragile équilibre que les régimes de coalition, ils sont sans doute un bel exercice d'équilibre démocratique, mais la précarité de leur existence est à la hauteur des crises que peut traverser un pays. Et quel pays n'en traverse pas ? En octobre 1990, l'Autriche vote déjà, et voici les résultats. L'Autriche a voté contre les sondages. Contrairement à toutes les prévisions, les quelques 5 500 000 Autrichiens appelés à renouveler le Parlement ont donné procuration au chancelier socialiste Vranitsky pour continuer à diriger le gouvernement. En effet, alors que l'on prévoyait une lourde perte pour le Parti socialiste, éclaboussée par des scandales politico-financiers, ces derniers ont non seulement limité les dégâts, mais même gagné un siège de député, 81 au lieu de 80. Cette victoire est en fait celle du chancelier Vranitsky, figure de proue de la campagne électorale, homme intègre et sérieux, qui a été mis en avant pour effacer l'image négative du parti. Victoire totale de Vranitsky, mais défaite tout aussi totale des chrétiens-démocrates frappés, qui passent de 77 à 60 députés. Un bas niveau jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les voix de l'EFAP, chrétien-démocrate, se sont reportées sur le FPE, libéral de droite de Jörg Haider, un jeune loup de Carinthie, tribun populaire, qui a su récolter la semence d'une campagne mettant en avant les questions délicates comme celle des travailleurs immigrés. Quant au vert, il paie une division en deux parties, l'Autriche ne vire donc pas à la droite dure et restera très vraisemblablement gouvernée par une coalition socialo-chrétien-démocrate sous la houlette de Franz Vranitsky. Il n'est encore, vous l'avez entendu, qu'un jeune loup en politique. Mais il est là. Le reste sera affaire ou non de circonstances. Au cours des années 80, la crise n'a pas pour seul nom Kurt Waldheim, elle est aussi de nature internationale. L'effondrement de l'URSS crée une instabilité forte en Europe de l'Est et imprime de fait du mouvement un petit peu plus à l'ouest dans l'Europe du centre, la Mitteleuropa. L'Autriche s'inquiète, elle se crispe, et ce 8 octobre 1990, on se rend bien compte que le Parti socialiste est bien loin d'être le véritable vainqueur de l'élection. C'est le jeune loup qui en a le mieux profité. Il n'est plus qu'à tracer son portrait, histoire de faire un peu connaissance. Robert Denis. Il a des allures de jeune playboy, élégant et bronzé. Il se déplace en voiture rapide, hélicoptère ou avion privé. C'est un véritable tribun populaire qui joue les troubles-fêtes dans la politique autrichienne établie. Le secret de sa réussite, il dénonce inlassablement les scandales politico-financiers. Il traîne dans la boue ses adversaires de tous bords. Il soulève l'intérêt des foules par des thèmes très populaires comme la question des immigrés. Ses adversaires ont beau dire c'est un néo-nazi et l'accuser de vouloir supprimer la neutralité pour se rapprocher de l'Allemagne, rien n'y fait, Haider passe et gagne. L'objectif du jeune loup de Carinthie, devenir chancelier de l'Autriche. Pas cette fois, il n'est pas encore assez puissant, mais la prochaine, dit-il. Hier, il a démoli les chrétiens-démocrates, les ramenant de 42 à 32% de l'électorat. Dans 4 ans, ce sera au tour des socialistes, promet Haider, avec un sourire de vainqueur assuré. Et il ajoute, je n'aurai que 44 ans. Et certains électeurs aiment particulièrement les gens qui parlent haut et fort. Ils les entendent mieux. Ils les comprennent mieux. Dans des périodes troubles et confuses, plus le discours se simplifie, mieux on respire et plus on vote. Deux ans plus tard, le 25 janvier 1993. Après Vienne, où ils avaient fait une spectaculaire poussée lors des dernières élections, c'est au tour de Graz, la deuxième ville du pays, où les nationaux libéraux font un bond en avant, passant de 11 à plus de 20% aux élections municipales. La défaite est complète pour les sociodémocrates et conservateurs, qui perdent les premiers 9, les seconds 7% de l'électorat. La droite musclée de Jörg Haider s'affirme donc clairement, le jour même où commence la consultation populaire sur un projet de loi lancé par Haider. Objectif, réunir 100 000 signatures pour que le Parlement se saisisse du projet de loi visant en 12 points à limiter sensiblement le nombre d'étrangers en Autriche tant que ne sera pas réglée la question des immigrés illégaux. Certes, la grande manifestation contre le racisme et la xénophobie qui a réuni plus de 200 000 personnes samedi soir à Vienne a donné un coup de frein à cette consultation, mais le score de Haider hier à Graz inquiète à nouveau. Et puis, un malheur ne vient jamais seul pour les deux grands partis de la coalition, SPE, EVP, qui ont décidément bien du souci. Outre les 20% de Haider, le parti des automobilistes fait son entrée au Sénat de la ville avec deux représentants. Robert Denis, Vienne, Radio Suisse Romande. Mais l'Autriche n'est ni aveugle, ni sourde à cette montée populiste. Elle organise aussitôt une immense manifestation contre le racisme et l'antisémitisme. Mais le constat est là, avec leur poids qui s'effrite, les partis traditionnels sont un rempart de plus en plus fragile. Dix-huit mois plus tard, après les élections locales, ce sont les législatives, un scrutin encore plus représentatif de l'état des lieux. Nous sommes le 10 octobre 1994. Le grand gagnant de ces élections, c'est le parti de la droite nationaliste de Jagaider, qui avec près de 23% des voix et 42 députés, est arrivé à convaincre plus d'un Autrichien sur 5 et près d'un votant sur 4, dépassant le million de voix. Ce phénomène qui en fait la droite nationaliste la plus importante d'Europe va, si ce n'est gêné, en tout cas, faire réfléchir le gouvernement dans sa conduite des affaires. Un gouvernement qui ne disposera plus de la majorité des deux tiers au Parlement et qui devra s'appuyer sur un petit parti pour faire adopter ses lois, en particulier la ratification de l'adhésion à l'Union européenne. Toutefois, la grande coalition va se poursuivre. Le chancelier et le vice-chancelier l'ont annoncé clairement, tout en confirmant leur intention de réformer l'Autriche pour éviter que dans 4 ans, Jagaider, comme il le prétend, ne trouve le chemin de la chancellerie. L'avertissement est clair, il est lancé, et bien folle celui qui ne s'y fierait pas. Et il y en a qui ne s'y fient pas, justement. Ce sont les partis de la coalition. Embourbés plus que jamais dans leur vaine querelle, les sociaux-démocrates et les conservateurs se crêpent le chignon. Ils offrent par leur division un véritable boulevard à un parti nationaliste xénophobe qui n'a plus qu'à récolter les fruits auprès d'une population lasse de ces débats stériles et inquiète pour l'équilibre du pays. Aux élections anticipées suivantes, celles de 1995, cela ne manque pas. Le parti de Jörg Haider prend encore davantage de poids et dépasse les attentes en devenant désormais le plus grand parti d'extrême droite européen. Dans quelques instants, départ pour l'Autriche avec un reportage à Bregenz, réalisé cette année-là par Malika Nedir. Oh. histoire vivante sur la première. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Chapitre 2. Un inquiétant Tyrol. En cette fin d'année 1995, Jörg Haider est en train de tenir sa promesse. Il devient peu à peu un homme politique de tout premier plan en Autriche. Il a mené son parti, le Parti de la Liberté, en tête des partis d'extrême droite sur la scène européenne. Mais les urnes sont-elles le reflet de la rue et des campagnes ? Départ pour Bregenz, avec ce reportage réalisé par Malika Nedir et Raymond Bernard, parti suivre la campagne de celui qui voudrait bien se voir dans 3 ans, chancelier d'Autriche. Ils sont près de 2000 à l'attente depuis 1 heure dans une salle communale de Bregenz, des jeunes et des vieux surtout, venus pour lui. Jörg Haider arrive, il vient d'enchaîner 3 meetings dans la journée, pas une trace de fatigue sur son visage éternellement bronzé. Il va leur donner ce qu'ils attendent, des certitudes, des solutions, mais aussi du spectacle. Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. Oui, ce sont des choses très concrètes que je vous promets. Vous voulez un exemple ? Est-ce qu'on doit avoir en Autriche un gouvernement de 20 ministres, alors que la Suisse en a 7 seulement ? Et en Suisse, il n'y a que 8 voitures de service. Nous, en Autriche, on en a 1000. Chez nous, on utilise des voitures de service pour se promener à la campagne. Je vois vraiment pas d'autres fonctions. Pourquoi je suis là ? Parce que les étrangers chez nous, c'est un problème. Et lui, il fait quelque chose. Ils sont trop nombreux. Et il est le seul homme politique à faire ce qu'il dit, à vouloir changer les choses. Avez-vous des problèmes avec les étrangers ? Personnellement, non, je n'en ai pas. Mais ils sont trop nombreux. Ici, on est tous fascinés par Haider, car il essaie vraiment de faire bouger les choses. C'est un fait qu'en Autriche, il y a trop d'étrangers. Et lui, il veut faire quelque chose contre ça. Le chancelier Vranitzky était là à une conférence sur l'aide au développement, là-bas, à Copenhague. Il a annoncé que l'Autriche renonçait au remboursement d'1 milliard de shillings. Sans justification, sans décision du Parlement. Il se prend pour le Père Noël. Et alors quoi, peut-être que d'après-demain, on verra nos ministres se rendre en Afrique du Sud pour proposer leur aide. Alors qu'à Vienne, moi, j'ai visité une école qui attend depuis 25 ans des rénovations. Vous pouvez la visiter, il n'y a pas de fenêtres, pas de table. Et pendant ce temps, nos ministres vont en Afrique du Sud et en Israël, où ils donnent des millions pour construire des écoles. Et ça ne peut plus durer. À chaque débat télévisé, mes adversaires, qu'ils soient conservateurs noirs, sociodémocrates rouges, me disent « Dr. Haider, vous faites peur aux gens ». L'ennui, c'est que les millions de gens qui me suivent ne sont pas venus par peur. Même les enfants n'ont pas peur de nous. Et de quoi a peur un enfant ? Un enfant a peur d'un homme noir, un enfant a peur d'un diable rouge. Mais jamais un enfant n'a peur d'un ange bleu, protecteur. Et oui, ça marche. Ça marche même fort. Très fort. Nous arrivons 3 ans plus tard. Le 1er octobre 1999, en Autriche, le Parti de la Liberté d'extrême droite devient le deuxième parti politique. Pour la première fois depuis la guerre, le paysage politique autrichien a été branlé. Jörg Haider a gagné son pari. Il a poursuivi son irrésistible ascension et a dépassé de justesse les conservateurs en récupérant les voix des socialistes. Il semblerait donc que la campagne électorale de Jörg Haider ait porté ses fruits. Si le chef de la droite nationaliste a soigneusement évité tous les dérapages néo-nazis, sa campagne contre l'immigration a permis de récupérer les voix socialistes dans les régions frontalières, mais aussi à Vienne, où l'on trouve une forte proportion d'immigrés. Les autres slogans populistes ont également touché le grand public. Baisse des loyers, baisse du prix de l'électricité et fini les magouilles politiques. Maintenant, reste à savoir comment aura l'air le futur gouvernement autrichien. Si personne ne veut pour l'instant s'allier à Jörg Haider, on ne pourra que difficilement le contourner. Chapitre 3. Plus jamais ça, si c'est pas trop vous demander. Mais cette fois, l'affaire n'intéresse plus seulement la seule Autriche. Depuis 1995, les 8 millions d'habitants ont rejoint la communauté européenne. Et les 14 États membres qui la constituent apprécient fort peu les formules quelque peu épicées du Playboy Haider. Résultat. Réunion de crise ce matin à Vienne. Le président autrichien Thomas Klestil a rencontré le chancelier par intérim Viktor Klima et le chef du parti conservateur Wolfgang Schüssel. Il s'agit de répondre aux avertissements de l'Union européenne. Hier, l'Europe des 15 menaçait de rompre politiquement avec l'Autriche si les conservateurs s'alliaient au parti d'extrême droite de Jörg Haider. Au sein du gouvernement, Patrick Chaboudet, vous vous trouvez à Klagenfurt, en Carinthie, le fief de Jörg Haider, où on l'imagine, c'est la consternation. Oui, effectivement, les critiques et les menaces de rétorsion de l'Union européenne provoquent ici, en Autriche, des réactions assez vives, assez tranchées, dans les médias notamment. Die Presse ce matin, par exemple, estime que les critiques de l'Union européenne prennent des formes toujours plus absurdes. Et dans la rue, le sentiment aussi est à l'indignation. Ja, dass sie nicht gerechtfertigt ist, da der Haider genauso ein Demokrat ist wie viele andere Österreicher oder viele andere Europäer. Pour ce chauffeur de taxi, les Européens n'ont tout simplement pas le droit de réagir comme cela. Haider, dit-il, est un démocrate comme beaucoup d'autres Autrichiens et d'Européens. Et c'est là un sentiment qui est assez largement partagé à Klagenfurt. En même temps, d'autres, au contraire, se félicitent des réactions de l'Union Européenne. C'est le cas notamment de Thomas Busch. Il est éditeur à Klagenfurt. Je pense que c'est très important parce que l'Autriche fait partie de l'Europe, donc ça ne peut pas être une ingérence. C'est tout à fait normal que l'Europe dit ce qu'elle pense. On voit que c'est une chose qui n'est pas acceptée en Europe, qui est inacceptable et qu'il faut aussi dire c'est en Autriche que c'est inacceptable. Oui, l'Europe se révolte. Et pas seulement les États. Dans la rue également, ça conspue. Les intellectuels, les artistes se mettent de la partie. À Vienne, Michel Piccoli répond lors de la conférence de presse qui précède la manif. Il y a à Paris aujourd'hui, et dans beaucoup de capitales, dans d'autres pays, des manifestations pour l'Autriche. Je préfère dire pour l'Autriche que contre Haider. Alors je suis peut-être là encore plus pour manifester contre les conservateurs traîtres. Et comme je suis déjà venu 3 fois avec Luc Bondy pour faire l'acteur à Vienne, je ne vois pas pourquoi je ne viendrai pas à Vienne pour faire le citoyen. À Berne, pareil. La visite du chancelier autrichien est désormais l'occasion d'une petite réception. Discours politique et musique rock, les manifestants occupaient une bonne moitié de la place fédérale, mais les organisateurs sont un peu déçus par la participation. Beaucoup de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Suisse, honte à toi », « Le racisme tue la démocratie » ou encore « Haider Blocher incendiaire ». Les discours se sont surtout attachés à relever la portée symbolique de l'événement. La participation de l'extrême l'extrême droite au gouvernement autrichien constitue en effet un grave danger pour les libertés et pour les droits de l'homme. Vers 19h30, de jeunes autonomes cagoulés ont commencé à lancer des œufs et des bouteilles contre la façade du palais fédéral. La manifestation s'est toutefois terminée dans le calme. Mais il est encore un détail dont on a peu parlé et qui fait toute l'originalité du cas autrichien. Il s'agit du journal Kronenzeitung, un journal qui date du début du siècle et qui, après quelques temps d'arrêt, est revenu à la surface. C'est de loin le journal le plus lu en Autriche. Il est celui qui fait et qui défait les politiques, qui favorise de par ses opinions un point de vue pour le moins populiste et démagogique. Si vous vous demandez encore quel candidat le Kronenzeitung a bien pu soutenir au cours de cette période, Nathalie Borgers, réalisatrice d'un documentaire sur ce sujet, intitulé « Citizen Krone, l'Autriche entre les lignes », sera avec nous demain pour en parler. Et vous aurez le nom du candidat du Kronenzeitung. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Jean-Marc Julian. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.